Quels sont vos projets professionnels ? J'envisage de chercher un travail dans une entreprise internationale. Pourquoi ? J'aimerais travailler dans un contexte étranger. Est-ce que vous pensez partir à l'étranger ? J'espère pouvoir le faire un jour. Ça doit être une expérience passionnante. Est-ce que vous avez l'intention d'apprendre plusieurs langues étrangères ? Je parle déjà anglais, mais je compte apprendre aussi l'espagnol.